Parmi les grands prosateurs du XVIIe siècle, dont je vais vous donner un aperçu, vous ne trouverez ici ni La Bruyère, ni Pascal, enregistrés dans un autre fichier sous leur propre nom. En suivant des textes choisis, leurs titres, leur introduction et éventuellement leur résumé, tels qu'ils sont présentés dans le volume sur le XVIIe siècle de la collection Lagarde et Michard, je vais donc vous proposer successivement Descartes, Bossuet, La Rochefoucauld, Madame de Lafayette, Fénelon, Bel et Fontenelle. René Descartes. On connaît en général la célèbre formule « Je pense, donc je suis », parfois citée en latin « Cogito ergo sum ». Elle est extraite du discours de la méthode pour bien conduire ses raisons et chercher la vérité dans les sciences, discours que Descartes publia en 1637. Ce discours de la méthode est la première grande œuvre philosophique et scientifique écrite en français. En voici trois extraits. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi, la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien.